quel lieu j'aime me reposer dans mon appartement? C'est étrange comme question. Non, si je veux vraiment me reposer, je monte en montagne. C'est là où on se ressource le mieux, c'est en montagne. Là, on est bien. Là, on est en phase avec, avec la nature, avec le calme. On prend de la hauteur. C'est bien de prendre de la hauteur aussi. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cela soit reposant pour vous dans votre quartier? Bah, que les gens soient respectueux, tout simplement. Il y a une toute petite minorité qui fait chier, quoi. C'est toujours pareil. C'est peut-être 5-10% des gens qui ne se rendent pas compte que l'impact que ça a de klaxonner pour dire bonjour à quelqu'un qui croise dans la rue alors qu'on peut être en train de se reposer. Des gens qui parlent fort le soir, surtout les journées d'été. Je suis seul dans mon appartement, je suis à l'aise. Est-ce que vous pouvez me décrire le son dans votre quartier? La voix express qui longe le drac. Dès que je sors, je l'entends. Depuis le balcon, je l'entends. C'est un léger brouhaha permanent. Et c'est le bruit dominant. En plus, je suis hyper sensible, donc je suis malheureusement à l'affût, j'entends tout. J'ai des enfants qui font très attention au niveau du son. D'ailleurs, je ne parle pas très fort. La télé, vous ne l'entendez pas, parce qu'elle est très, très basse. C'est vrai que parfois, on entend, comme tout le monde, les gens qui marchent au-dessus. Il y a un rideau aussi, des rideaux partout pour atténuer le son, parce que j'aime les sons bas. Donc, pour moi, c'est vivable. Est-ce que vous pouvez me qualifier de l'ambiance sonore de votre maison par un adjectif? Moi, je dis paisible. Mais bon, j'y ai mis les moyens, on va dire. Parce que j'aime le calme, donc j'ai tout fait pour que ce soit calme. Il y a de la tapisserie partout, parce que la tapisserie absorbe le bruit. Il y a des tapis au sol, c'est tout feutré. On va dire, avoir mes enfants qui aient leur appartement, un métier, que je sois toute seule chez moi. Ça, c'est mon but. Donc, être encore moins dense, ça serait bien. Nous vous proposons un projet sur la création d'une association de quartier. Nous retournons à notre bande-son. Cinquième étage. Bonjour. Bonjour. Ressentez la densité dans votre appartement? Je trouve que c'est pas... On n'est pas bien dedans. Pourquoi? Tout ce qui est de la chaleur, tout ce qui est de... Ils sont en train de rénover, donc... Je suis pas à l'aise dedans. C'est-à-dire que je me sens pas bien. On entend les voisins, les raisonnements. Nous vous proposons un projet de rénovation phonique et thermique. Nous retournons à notre bande-son. Là, on est deux dans la maison. Donc, on a été cinq. Avec trois ados, c'était un petit peu juste. Et comment vous ressentez la densité dans votre quartier? Moi, plutôt bien. Donc, c'est relativement équilibré pour l'instant. Il y a du monde sans que ce soit trop pesant. Quoi. Voilà. On a mis des fenêtres qui nous isolent pas mal du bruit de la route. On a changé et ça, c'est bien. Détendre dans votre quartier. Pourquoi? Qu'est-ce que vous ressentez? Ben nulle part. Je vais promener mon chien dans le parc. Par ça, c'est le seul. C'est mon endroit privilégié pour aller promener mon chien. Donc je me détends en même temps. Hein. On est en train de faire même une extension. Et quand on est aujourd'hui avec nos petits-enfants, nos enfants, on est 15. Donc on est deux, mais rarement deux. Dans ce quartier ici, moi je dis toujours, c'est la campagne à la ville. On est vraiment très très bien. J'ai jamais compris pourquoi on a pu faire des immeubles aussi près de certains jardins. Alors qu'on pouvait peut-être les orienter dans un autre sens. Et à l'époque, quand ils ont été construits, il y avait de l'espace de partout. Et c'est cet immeuble-là qui me gêne. Ils font des travaux dans la maison.